بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avant de continuer l'étude de notre livre رياض الصالحين avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله، et on a fini il y a quelques jours le chapitre de التوبة du repentir، et dans quelques jours on commencera le chapitre de la patience باب الصبر بإذن الله سبحانه. On essaie de finir en deux cours, inshallah, le cours d'aujourd'hui et le cours de demain, le résumé de la ta'if al-ma'arif de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. Et, walillahi alhamd, depuis quelques temps, à chaque nouveau mois, de lire kalam al-hafiz Ibn Rajab, rahimahullah. لماذا لأن هذا الكتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. Il explique, ou il a expliqué, rahimahullah, tout ce qui est lié au mois de l'année. Mathalan, le mois de Ramadan, on l'a fait en six cours, si je me rappelle, ou un peu plus. Al-Muhim, il a cité le mois de Ramadan et tout ce qui est lié au mois de Ramadan. Mathalan, ce qui est lié au mois de Ramadan, bien sûr, le jeûne, bien sûr, la nuit du destin, as-sadaqa, le bon comportement, tout ce qui est lié au mois de Ramadan. Hakada d'ul-Hijjah, on l'a pas encore fait, on le fera, inshallah, à la fin de l'année. Tout ce qui est lié au Hajj. Le mois de Sha'ban qu'on commencera demain, inshallah. Tout ce qui est lié au mois de Sha'ban. Mathalan, le fait de jeûner. Et aujourd'hui, on va commencer le mois de Rajab. Le mois de Rajab, il est passé. Il y en a un au mois de Sha'ban. Lakin, on n'a pas fait les liyanna par manque de temps, awwalan. Et kadalik, liyanna, on avait déjà fait une kalima. L'année dernière, ou il y a deux ans, le site, avec les frères, walidah ilhamd, sur les innovations du mois de Rajab. Et vous verrez que c'est exactement le même kalam. Bel, dans notre muhadara sur les innovations du mois de Rajab, on avait rapporté des paroles de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. À la kulli hal, vu qu'on a commencé le résumé de ce livre et on espère le finir, bi'idhnillah, on continue. Donc aujourd'hui, on fait le mois de Rajab et demain, on essaye de faire le mois de Sha'ban. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Thumma, il restera quelques mois, le mois de Ramadan, wallahi alhamd, on l'a fait, il restera le mois de Shawwal, le mois de Dhul-Qi'da, le mois de Dhul-Hijjah. Donc il restera trois cours, inshallah. Qala al-imam Ibn Rajab, rahimahullah. Wadhifatu shahri Rajab. Kharraja fi s-sahihayn min hadith Abi Bakra, radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان وذكر الحديث. Al-Hafiz Ibn Rajab, rahimahullah, il a commencé le mois de Rajab par هذا الحديث. لماذا لأن le mois de Rajab c'est من الأشهر الحرم. Et c'est le premier mois sacré. Si tu commences, ou plutôt c'est Muharram le premier, لكن نعم, c'est le Muharram le premier. C'est le premier mois, لأن il y a longtemps on avait étudié Muharram, وإلا نعم. Dans l'ordre c'est Muharram la chaque le premier. Donc هنا il a fait un tanbih par rapport au mois sacré. Donc les mois sacrés, il y en a trois qui se suivent. Dhul-Qi'da, après Dhul-Hijja, après Muharram, le début de l'année. Thumma, une coupure, thumma le mois de Rajab. Enfin, le mois de Rajab, il est seul. Il n'y a pas de mois Muharram avant, ou de un mois parmi les mois Hurum avant ou après. Et il a cité certaines masailles qu'on détaillera pas huna. Celui qui veut revenir à هذا الكلام, c'est un كلام طيب par rapport au mois sacré. ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ورجب مضر سمي رجب رجبا. Pourquoi ce mois a été appelé par Rajab? Pourquoi on appelle ce mois Rajab? قال لأنه كان يرجب أي يعظم. Donc le mot Rajab, ça vient du mot, ou parmi les sens, at-ta'zim. Le fait que ce mois, il était honoré, lui donné de l'importance. كذا قال الأصمعي الأصمعي من أئمة اللغة والمفضل والفراء، وقيل لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع. يعني حديث كي مونتخنا إلا يتعبل رجب، لماذا؟ باسكو لي زونج تترحب للتسبيح والتحميد فيه، تترجب بتو للتسبيح والتحميد فيه، لكن سحديث إلى موضوع إلى تأنفنتي. قال وأما إضافته إلى مضر، دونك سكي كلير إلى سافون سيت سوسنس أن سمو يتعبل رجب، لماذا؟ لأنه كان يعظم إي دوني بوكو دامبورتانس أسمو. قال وأما إضافته إلى مضر، نعم dans des hadith النبي صلى الله عليه وسلم quand il dit Rajab يضيفه إلى مضر، il dit Rajab مضر. مضر c'est une tribu parmi les tribus des Arabes. فقيل لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك، وقيل بل كانت ربيعة تحرم رمضان وتحرم مضر رجب، فلذلك سماه رجب مضر، وحقق ذلك بقوله الذي بين جمادة وشعبان. على كل حال ضيف إلى مضر. Pourquoi? Parce que cette tribu كانوا يعظمون ويحترمون هذا الشهر كثيرا. Et كذلك بعضهم يقولون que c'est مضر qui a rendu هذا الشهر كانت تحرمه. نعم. Et Allah سبحانه وتعالى في القرآن il a cité les mois sacrés الأشهر الحرم et parmi ces mois رجب. قال بعد ذلك ويتعلق بالشهر رجب أحكام، أي سموى il a été spécifié par certains jugements d'après certains. وإلا on va voir ensemble أن الصحيح كما سيبين أو كما بين الحافظ ابن رجب رحمه الله أن سموى il a aucune مزية aucune distinction par rapport aux autres mois. C'est un mois sacré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ce mois meilleur que certains mois. Lakin, par rapport aux autres mois sacrés, il n'y a aucune différence. Et on verra que ذلك أنه, il n'y a pas une ibada spécifique à faire à Rajab. Il n'y a aucune différence avec les autres mois. Pas comme Ramadan. Ramadan, il y a une ibada azima. C'est le jeûne qui est obligatoire et c'est un pilier de l'islam. Que ذلك Dhul Hijjah, il y a une ibada azima. C'est Al-Hajj, un autre pilier de l'islam. Enfin, tu as deux mois qui sont liés à des piliers de l'islam. C'est رمضان إذ الحجة. كذلك رمضان يا لميغ نوي ليلة القدر ذو الحجة يا لميغ جوغ عرفة. Donc ces deux mois ils ont été spécifiés avec des choses de عظيم. كذلك le mois de شوال a été spécifié avec les six jours qui sont une sunna. وهكذا الشعبان il a été spécifié أنه c'est bien de jeûner. النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait le mois de شعبان ou la plupart. أما رجب on va étudier ensemble certains arguments qui sont faibles. قال فمنها ما كان في الجاهلية واختلف العلماء في استمراره في الإسلام كالقتال وقد سبق ذكره وكالذبائح. القتال il l'a cité juste avant dans le passage qu'on n'a pas lu par rapport au mois sacré, أي le fait que ce n'est pas permis de combattre pendant les mois sacrés etc. قال فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة. العتيرة بعضهم يسميها الرجبية كما جاء في الحديث. العتيرة أو الرجبية c'est un sacrifice qui est spécifié au mois de Rajab. المشركون في الجاهلية أي avant l'islam ils sacrifiaient une bête spécifiquement pour le mois de Rajab. واختلف العلماء في حكمها في الإسلام. Et les savants de l'islam, ils ont divergé. Est-ce que c'est une sunna de sacrifier une bête spécifiquement pour le mois de Rajab ou ce n'est pas une sunna? Ils ont divergé. لماذا لأن il y a plusieurs textes. قال فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. Ce دليل retenez-le, c'est une base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال, le hadith il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, la fara'a wa la atira. Amma al fara'a, قال le muhaqqiq fil hashiya, al fara'a bi fath ar-ra. Amma al fara'u bi sukun ar-ra, c'est un autre mot. Al aslu wa al fara'a, al aslu c'est la base, al fara'a c'est la branche, al furu'a c'est les branches. Amma huna la, tu lis bi al fath al fara'a. قال أول نتاج الإبل والغنم وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم يتبرعون بذلك نعم أما الفرع le premier enfant de la chamelle ou de la vache. Son premier enfant, ça s'appelle Al-Fara, Ahlul Jahiliya, le premier enfant, il le sacrifiait pour leurs idoles. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la fara, ou la atira. Al-atira, c'est un sacrifice spécifique au mois de Rajab. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha anil ithnay. On a ce hadith qui est une base. قال ومنهم من قال بل هي مستحبة ومنهم ابن سيرين محمد الإمام رحمة الله عليه وحكاها الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين donc certains savants et ils sont peu par rapport à la grande majorité qui montrent que ce n'est pas permis أي de sacrifier une bête spécialement pour Rajab أي ce qu'ils appellent العتيرة أو الرجبية وقد نقل حنبل عن أحمد نحوه نعم donc une riwaya عن أحمد أنه il a dit que c'était recommandé لكن سيأتي أن القول الصحيح c'est que c'est pas permis قال وفي السنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف ابن سليم الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة Donc, dans ce hadith, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال أن على كل أهل بيت, dans chaque foyer, pour chaque foyer, une fois dans l'année, ils doivent sacrifier. Al-Udhiya, bien sûr, le jour du Eid. Et, atiratan, كذلك, un sacrifice le mois de Rajab. Al-Hadith, حسنه الإمام الألباني رحمه الله, في صحيح سنن أبي داود. Donc, بعض أهل العلم, ils ont authentifié ou rendu حسن ce hadith. Donc, on a un hadith qui montre que c'est pas permis. La fara ou la atira. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Et la base dans النهي, c'est l'interdiction. Et on a ce hadith qui montre que il faut le faire. Bel, dans ce hadith, c'est comparé à l'udhiya. Al-Udhiya est un khilaf, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ou l'adhi yadhar, c'est que Al-Udhiya, c'est une sunna mu'akkada. Celui qui a les moyens, il doit essayer de la faire, et s'il la délaisse, c'est pas une obligation. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, on a ces deux hadiths, et Al-Imam Ibn Rajab, rahimahullah, il a cité d'autres hadiths, qui montrent que Al-Atira, c'est, ça fait partie de notre dîn, et il spécifie Rajab avec un sacrifice. ثم قال وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث لا فرع ولا عتيرة بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله. Donc certains savants qui ont dit que c'est permis, bel c'est recommandé, ils ont dit قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي ne pas faire comme أهل الجاهلية أي sacrifier pour autre qu'Allah. أما si c'est pour Allah il n'y a aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui montrent que c'est recommandé. هذا c'est un avis. قال وحمله سفيان ابن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب قوله لا فرع تقدم معنا أن الأصل في النهي c'est l'interdiction. لكن vu qu'il y a un autre hadith qui montre que c'est recommandé الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله إلى مدخلنا النفي سنفي الوجوب أي لا فرع ولا عتيرة أي سي با اون اوبليغاسيون الأوتر حديث يمونت كو سي ريكوموندي وبعضهم قال أن إلي منسوخ الواجب إلي منسوخ سيتي اوبليغاتوار ونسخ إلى إيتي أبروجي لوبليغاسيون إيتي أبروجي سي دوفوني ريكوموندي هذا سي أن أوتر قول أن دوزيام أبي قال ومن العلماء من قال حديث أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت فيكون العمل عليه دونها وهذه طريقة الإمام أحمد donc ça nous montre que قول حنبل رحمه الله qu'on a lu auparavant أن الإمام أحمد il avait un قول المستحب ça nous montre أن l'avis authentique de l'imam أحمد c'est que c'est interdit والإمام ابن رجب رحمه الله c'est un حنبلي المذهب et c'était من أعلم الناس بهذا المذهب رحمة الله عليه على كل حال ce dernier avis Ils ont fait passer le hadith Abi Huraira avant. Limadha li'annahu il est as-sah, il est dans Sahihayn. Amma les autres hadiths, les autres hadiths, بعض العلماء ils ont démontré certaines faiblesses. Ala kulli hal, si on dit que même les autres hadiths sont authentiques ou hasan, khassatan il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de chaînes de transmission, al-qawl as-sahih c'est que hadha c'est min an-nasikh wal mansukh. Comme on a étudié ensemble wallahi alhamd dans al-usul min ilm al-usul. Al-Imam Muslim rahimahullah fi sharh sahih al-Imam Nawawi plutôt rahimahullah fi sharh sahih Muslim نقل عن القاضي عياض رحمه الله عن جماهير العلماء أنهم يرون نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالعتيرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أي لا فرع ولا عتيرة وتأمل قوله جماهير العلماء أي la grande majorité des savants ils ont choisi le قول أن حديث أبي هريرة il a abrogé son حديث رضي الله عنه les hadiths qui montrent que c'est recommandé ou que c'est permis. Wa l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zad al-Ma'ad fi ma azkur, il a détaillé, il a montré pourquoi al-nasikh il est qawi. Il a démontré que hadha al-qawl hadith Abi Huraira radiyallahu anhu la fara' wa la atira, c'est un hadith qui est venu après tous ces hadiths. Et vu qu'il y a une contradiction en apparence, al-ulama ils ont montré que c'était min bab al-nasikh wal mansukh. C'était permis à un moment ثُمَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ il l'a interdit et c'est ça القول الصحيح. Donc spécifier un sacrifice pour le mois de Rajab même si c'est l'Allah Azza wa Jal c'est pas min sunnat النبي عليه الصلاة والسلام. C'est pour ça que بعض العلماء ils ont montré clairement que c'était une bid'ah. Et on a un peu détaillé هذا, on a un peu insisté لماذا لأن dans notre محاضرة sur les innovations de Rajab on n'avait pas cité cette mas'ala. نعم. Inch'Allah, si on pense, la prochaine fois qu'on propagera la kalima sur les innovations du mois de Rajab, on essaiera de, si on peut faire un ajout, ce passage, l'ajouter hunak, hatta c'est plus complet, Inch'Allah, on essaiera de le faire. ثم قال رحمه الله ومن أحكام رجب. Donc on a fini le premier hukm, al-atira, ay, spécifier Rajab avec un sacrifice. ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار. Des hadiths qui montrent que certaines salats, elles sont spécifiques à Rajab. Kadhalik, le fait de sortir la zakat pendant le mois de Rajab. Kadhalik, jeûner pendant le mois de Rajab. Et kadhalik, faire la umrah pendant le mois de Rajab. Donc, rahmatullah alayh, il a cité ces quatre adorations, une après l'autre. قال فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل ولا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. Et ce point, on l'a détaillé ولله الحمد dans notre kalima. Donc, durant ce mois, le mois de Rajab, la première nuit de Al-Jumu'ah. Donc le mois de Rajab, mathalan, s'il commence lundi, le premier Jumu'ah, quelques jours après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la nuit du vendredi, et entre le jeudi et le vendredi, cette nuit, Wa'adhum, ils disent qu'il y a une salat spécifique et ils l'appellent salat al-ra'ib. Hadihi salat, on avait détaillé dans la kalima et on peut rappeler ici, répéter, c'est une salat qui est composée de 12 rak'ah. Et le moment, c'est juste après le maghrib. La nuit, elle commence après le Maghrib. Après le Maghrib, c'est la nuit, jusqu'au Fajr. Donc, après le Maghrib, ils font 12 rak'ah. Le premier vendredi du mois de Rajab. Donc, 12 rak'ah, et ils font le taslim après chaque 2 rak'ah. Donc, 2 rak'ah, et ils font taslim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Thumma, ils se relèvent 2 rak'ah, hatta ils finissent 12 rak'ah. وَيَقْرَؤُونَ فِي كُلِّ رَكْعَة بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Trois fois dans chaque raka'a, al-fatiha, et trois fois surat al-qadr, et 12 fois surat al-ikhlas. Donc chaque raka'a, trois fois surat al-ikhlas, ou trois fois surat al-qadr, après al-fatiha, et après 12 fois al-ikhlas. Et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. ثُمَّ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة. Tout cela après deux rak'at à chaque fois. Dès qu'ils finissent les deux rak'at, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, 70 fois, Allahumma salli ala Muhammad. Ou Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Naam. Donc tout cela après chaque deux rak'at. Al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah, qala fil manar al-munif, fil sahih wa al-da'if, une petite risala très très bénéfique, il a cité des hadiths faibles qui sont répandus. Qala wa kadhalika ahadith salat al-raga'ib laylata أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tous les hadiths qui ont été rapportés sur cette salat, salat al-raga'ib, il l'appelle, c'est des mensonges qu'ils ont forgés contre notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. فلهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله قال وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. نعم. ومن قال بها son قول c'est pas une حجة. Même si un savant, il a choisi ce qawl, ou il a pensé qu'un des hadiths, il était authentique, son qawl, c'est pas une hujja. On doit faire attention, fi mitl hadhihi al-masail. Il y en a beaucoup de gens, ils sont fi ghafla. Et quand, il y a plusieurs aqwal, hakada, surtout dans certaines masail, comme cette masala, le qawl, il est wadih. On a la grande majorité des savants, ils ont montré que c'était une bid'a. Les hadiths, c'est des mensonges. On parle même pas de da'if, c'est des mensonges. Tu peux trouver un savant, qui n'est pas infaillible, et qui pense que cette salat c'est une sunna, et il recommande. Si c'est un savant de la sunna, khasatan, il est mort, et il a choisi ce qawl, et alhamdoulilah, on le respecte, mais ce qawl, il est batil, il est batil. Et tu trouves, بعض الناس, في هذا الحال, ils vont peut-être choisir de faire cette salat. Ou ils vont pas vouloir dire, ils vont pas vouloir dire que c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que l'imam un tel a dit. L'imam un tel, si c'est un mujtahid, comme taqaddam ma'ana dans l'usul, falahu ajran. Ou falahu ajr plutôt. Il s'est trompé, il a fait un ijtihad, l'amr sa. Lakin, anta ma'mour bittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette salat? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pendant des années. Et chaque année, il y avait le mois de Rajab. Et as-sahaba radiyallahu anhum, il nous aurait informé de cette salat. Si c'était chez lui, une de ses femmes, elle nous aurait informé. Et elle a fait cette salat avec cette kayfiyya. C'est quelque chose qui attire l'attention. Les sahaba radiyallahu anhum, ils nous ont apporté des choses beaucoup beaucoup moins que cela. Une salat avec 12 rak'a, avec cette récitation, avec hadha dhikr, la chaque nous l'aurait rapporté. Ala kulli hal, cette salat c'est une bid'a. Qal wa amma as-siyam. Deuxième point, après la salat, donc le jeûne. Falam yasih fi fadli sawmi rajab bi khususihi shay'un عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر للصوام رجب. La même chose, les savants, ils ont démontré qu'il n'y a aucun jeûne spécifique au mois de Rajab. لماذا؟ لأنه لا pas de hadith عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن روي, لكن هذه الصيغة montre que si tu vérifies, c'est très probable que هذا القول عن أبي قلابة إلى الضعيف. يا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله من أئمة الإسلام. Un très très grand imam, le professeur, le cheikh de Ayyub al-Sikhtiyani رحمه الله. Lui-même qui est un grand imam. هؤلاء c'est من أئمة السلف. فروي عنه, ils ont rapporté selon lui أنه في الجنة قصر لصوام رجب. أي, ceux qui jeûnent le mois de Rajab, Allah سبحانه وتعالى leur a préparé, leur a ils auront comme récompense un château fil jannah. هذا القول il est fondé sur un hadith, sur un hadith anhu ruya an an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna fil jannah nahran yuqalu lahu rajab ma'uhu ashad biyadan min ath-thalj wa ahla min al-'asal man sama yawman min rajab shariba minhu. Na'am, c'est pas exactement comme le qawl de Abu Qilaba ou ce qui était rapporté selon Abu Qilaba, lakin ala kulli hal, il y a un hadith qui montre cette récompense. On a celui qui jeûne le mois de Rajab, fa il boira de hadha an-nahr, de ce fleuve fil jannah. Il a une eau aussi blanche que la neige, aussi sucrée que le miel, etc. Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah fi al-Mizan hadith batil. C'est un hadith inventé, complètement faux. Wa hakadha al-Imam al-Albani rahimahullah fi al-Dha'ifa qala batil. Et beaucoup de hadiths, fi fadl, siyam al-rajab, c'est tous des hadiths faibles. فلهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة. فصل فائدة أن الضعف للشديد، لأن يدي دوغري دون لا فيبلس دو حديث. Il peut être ضعيف, tu peux trouver un autre hadith qui le renforce, une autre chaîne de transmission. ثم الحديث يمونت au niveau de حسن معروف هذا عند المحدثين. أما هذه الأحاديث فباطلة موضوعة. C'est des inventions. Tu trouveras dans la chaîne de transmission imma menteur, imma matrouk, imma muttaham, imma shadid ou dhaaf. À la kulli hal, ces hadiths, ils ne sont pas acceptés. Donc, kalam le taymiya fi majmou' al fatawa. Kalam al-albani, on a dit fi dhaifa. Donc, al-siyam, aucune preuve. Donc, on n'a pas à spécifier. Lakin, bien sûr, celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, oh oui, il veut jeûner le 13, 14, 15. Ou même s'il n'a pas l'habitude, là, qu'il décide de jeûner lundi ou le jeudi, ou 13, 14, 15, ou Mouhim, Yassoum, Lillah Azzawajal, sans avoir cette intention et penser que Rajab, il y a une c'est spécifique au Siyam, le jeûne recommandé, c'est permis. Là, qu'il avoir l'intention que c'est bien, ou penser qu'il aura une récompense spécifique par rapport à ce jeûne, en se basant sur des rumeurs ou des hadiths inventés, c'est ça le bidar, c'est ça l'innovation. أما الزكاة قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب ولا أصل لذلك في السنة. Dans certaines contrées, dans certains pays, ils ont pris comme habitude de sortir la zakat au mois de Rajab. Et الحافظ رحمه الله ابن رجب قال لا أصل لذلك في السنة. Il y a aucune preuve في السنة. Et qu'il y a un bien de sortir la zakat le mois de Rajab. Falihada, tu trouves dans certains pays, ils préfèrent la sortir le mois de Ramadan, dans certains pays, le mois de Muharram. Mouhim, dans chaque pays, ça dépend. Bahadoum, ils pensent que tel mois, c'est mieux qu'un autre. Thumma qala wa la urifa an ahadin min as-salaf. C'est ça l'ilm. On doit avoir une phrase. Vu qu'on a une chose que certaines personnes, ils font une adoration. Ou ils spécifient une adoration à un temps. Et ça, c'est très très important. Az-zakat, ça fait partie des piliers de l'islam. C'est obligatoire, il n'y a aucun problème. Lakin, spécifier, penser que sortir la zakat à tel moment, c'est mieux qu'un autre moment, hada, il faut un dalil. C'est pour ça que Al-Hafid, rahimahullah, قال, on n'a pas de dalil min as-sunna, wa la urifa an ahadin min as-salaf. Et on doit s'habituer à réfléchir, d'avoir cette réflexion avant chaque ibad. Est-ce qu'on a un dalil min as-sunna? Awalan. وثانيا est-ce que الصحابة رضي الله عنهم أئمة الإسلام ils ont compris ou ils ont fait cette chose. Si tu n'as pas de dalil et tu n'as pas la compréhension des salafs, ne fais pas, c'est un égarement, c'est une bid'a. Même si en apparence c'est bien, même si tu as une bonne intention, la bonne intention ça suffit pas. لابد من الاتباع, لابد le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Si tu as un dalil et aucun savant l'a compris comme tu l'as compris, même si c'est un verset du Coran, même si c'est un hadith du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lakin aucun savant de l'islam l'a compris comme toi, on a fait cette chose, ihdar, tu as mal compris le dalil. Donc fais des recherches pour comprendre ce dalil avec la compréhension des salafs. قال ولكن روي عن عثمان انه خطب الناس على المنبر فقال ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه وليزكي ما بقي خرجه مالك في الموطا. هذا ينظر est-ce que c'est ثابت ام لا. Et الظاهر ان هذا c'est pas ثابت, لان juste avant il a dit ولا عرف عن احد من السلف ثم قال لكن روي, اي il a été rapporté. Et هذا en général c'est utilisé pour الضعيف. وقد قيل ان ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يعرف, وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول. نعم, certains ils ont dit là c'était pas Rajab, c'était un autre mois et ils ne savaient plus lequel. Et d'autres ils ont dit c'était شهر المحرم, le premier mois de l'année. ثم قال وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم. Dans beaucoup de pays c'est comme ça. لماذا؟ لأن المحرم c'est le premier mois de l'année. Donc beaucoup de musulmans ils se sont habitués à sortir la zakat le mois de Muharram. وقيل بل كان شهر رمضان. Et هذا كذلك, beaucoup de musulmans, ils sortent la zakat le mois de Ramadan. لفضله وفضل الصدقة. نعم, لأن le mois de Ramadan, c'est un شهر مبارك. Et c'est recommandé de faire du khayr. Donc, بعضهم, ils spécifient le mois de Ramadan pour sortir le zakat. قال وبكل حال, فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب. فكل أحد له حول يخصه. بحسب وقت ملكه للنصاب. يا هذا سان كلام علمي مفيد. أنا توسكي لا سيتي سي دي أقوال سي دي زافي أو دون سيغتان بيي فون كوم سولا. إما رجب إما محرم إما رمضان. ثم إلى مونتخي هنا الحق أن الزكاة سي أون أدوغاسيون. سيت أدوغاسيون إلي فوندي سور دو شوز. نعم, elle est fondée, on parle pas de la personne. La personne, bien sûr, elle doit être sincère, etc. Là, on parle الزكاة pour la. Ça devient obligatoire sous deux conditions. إذا حال الحول وبلغ هذا المال النصاب. حال الحول, ça veut dire que cet argent, si, on commence par le nisab plutôt, cet argent, si il atteint une certaine somme, si c'est du liquide, ou un nombre, si c'est des bêtes, ou une valeur, si c'est de l'or, مثلا, مهم. النصاب, c'est si ce mal, il a atteint le niveau, il a atteint نعم, le degré pour que zakat al devienne obligatoire et il est resté un an هذا المال. Dans ce cas la zakat elle est obligatoire. فلهذا قال فكل احد له حول يخصه. مثلا انت, tu as eu une somme d'argent aujourd'hui. On est le mois de Sha'ban. On doit être le 12, le 13. Moi, on va dire la moitié de Sha'ban. Bientôt la moitié, c'est pas encore la moitié. À partir de maintenant, l'année prochaine, si tu as encore de l'argent et le nisab, la valeur, elle doit, t'as atteint la valeur pour que la zakat soit sortie, tu dois sortir la zakat dans un an, à la moitié Rajab, ou moitié Sha'ban. Est-ce que tu vas attendre Ramadan? Est-ce que tu peux la sortir avant? Al-Imam ibn Rajab, rahimahullah, il va citer ces deux points. À la kulli hal, donc chacun, il a son waqt. On ne peut pas tous avoir le même waqt. L'imam, la zakat, il y a une condition. Il faut que ça reste un an, هذا المال. Donc, واحد, ça va être Ramadan, un autre, ça va être Rajab, un autre, ça va être Muharram, un autre, ça va être Dhul-Hijjah, wa hakada. قال, فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان. Donc, quand الحول est fini, الحول c'est un an. الحول c'est un an. مثلا, tu dis, التواف حول الكعبة, tu tournes autour de la Kaaba. الحول c'est autour. Ils l'ont appelé حول. لماذا؟ لأن l'année elle tourne. Tu commences à محرم, ça tourne, ça revient à محرم. هذا الحول. أي عام. قال, donc quand l'année elle finit, tu dois sortir la zaka. بقية, est-ce que tu as le droit avant, est-ce que tu as le droit après? قال, فإن عجل زكاته قبل الحول, أجزأه عند جمهور العلماء. Et هذا c'est قول صحيح. علماء العصر يفون الفتوى على هذا. كالشيخ بن باز, الشيخ بن عثيمين, يزن أوتوريزي هذا. أنه إن عجل, tu as le droit de sortir la zakat avant. مثلا, on reprend l'exemple, la moitié de Rajab. Tu as un an. Dans un an, si tu as encore ces biens, et toujours ce bien, il a atteint un nisab, مثلا, une certaine somme, tu dois sortir la zakat. Au mois de Sha'ban, l'année prochaine. Est-ce que tu as le droit de le sortir avant? Maintenant, tu veux le sortir au mois de Jumada, Al-Oula, ou au mois de Rabi'a, ou au mois de Safar, ou Rajab, Mouhim, avant Sha'ban. Al-Sahih, c'est que tu as le droit. Khasatan, ahyanan, il y a un besoin. Maintenant, tu sais que tu as cet argent. Et, bi'idnillah azzawajal, tu l'auras encore. Idha sha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu rencontres un homme très très pauvre. Et anta, tu veux l'aider, tu penses à ta zakat. Lakin ta zakat, c'est pas encore arrivé l'année. Fiyad al-hal, tu as le droit. Tu as le droit 2 mois, 3 mois, 4 mois avant, tu lui donnes. Et alhamdulillah, tu auras sorti ta zakat de l'année. Donc avant, c'est permis. Qawl jumhur ulama, la plupart des savants, ils l'autorisent. Qala wa sawa'un kana ta'jiluhu al-ightinam zamanin fadil, l'ightinam zamanin fadil, ou l'ightinam sadaqa ala man la yajid mitlahu fil haja. C'est cet exemple qu'on a cité. أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة. نعم. مثلا يسي كي va voyager au mois de شعبان l'année prochaine, يسي كي مقدر مثلا يبقى faire العمرة. et il n'aura pas cet argent hunak, il n'aura peut-être pas le temps mouhim, il préfère le sortir ici des personnes qu'il connaît, maintenant un membre de sa famille ou un voisin, il est juste de le sortir avant de voyager. Donc là, c'est un exemple taïb et clair. Naam, thumma qal, wa amma إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين. أما repousser la zakat, مثلا, toujours notre exemple, cette année, au mois de la mi-Sha'ban, et dans quelques jours, Wahid il doit sortir la zakat. Est-ce qu'il a le droit de retarder, attendre dans 15 jours Ramadan? Ou attendre jusqu'à qu'il va au Hajj, ou attendre pour une raison? Qawl al-Aktharin, la plupart des savants, ils n'autorisent pas ça. قال on peut citer une faïda هنا عن الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب قال يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها. Vous vous rappelez de la règle في الأصول أن الأصل في الأمر c'est الفور. أي la base dans les ordres c'est الفور. أي il faut faire directement. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أي donner la zakat. C'est un ordre. Donc la base c'est une obligation. Belle c'est un pilier de l'islam, c'est clair. Et la base c'est el four. L'insan, si l'année elle est finie, il doit se précipiter à la sortie. Il ne doit pas attendre. C'est ça l'asl. Et c'est ça le qawl sahih. قال, donc la base c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de retarder. Tu as le droit d'avancer, lakin tu n'as pas le droit de retarder. قال وعن أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لا يجد مثلهم في الحاجة. لكن بعض العلماء كالإمام أحمد d'autres ils disent que c'est permis de la retarder s'il a une excuse. S'il a une excuse, فيجوز له. أما s'il ne peut pas, لا شك يجوز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا l'année elle est finie, il devait sortir la zakat cette semaine et قدر الله il a eu un voyage important. Il est parti en voyage et il ne peut pas sortir la zakat هناك. Il n'a pas cet argent avec lui. Il peut confier cet argent à personne, mouhim, fi hada al-hal, il est excusé. Limada li annahu il est ajiz. Qala azza wa jalla fattaqullaha mustata'tum. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi fatwa dans un audio, ils ont posé la question, est-ce qu'on peut retarder la zakat? Il a répondu an al-asl, c'est que c'est pas permis. Thumma il a cité un mithal tayyib rahimahullah. Anna à notre époque, dans certains pays, et kadalik, à l'époque, ça se faisait probablement encore plus, c'était l'imam, et les autorités qui s'occupaient de sortir la zakat. Donc il y avait des musulmans qui étaient chargés de récupérer les biens dans chaque foyer et de les propager, de les donner aux pauvres. Naam. Mais à notre époque, beaucoup, ça ne se fait plus, tu peux la sortir tout seul et la akhir. لكن شيخ ابن عثيمين قال السكة سي واحد مثلا il vit dans un pays où c'est les autorités ils s'en occupent et peut-être que lui مثلا les autorités on va donner l'exemple ils s'occupent de cela fait Ramadan. Ramadan tout le monde doit donner ses biens et les autorités s'occupent à donner aux pauvres. هو سي il doit sortir sa zakat مثلا Rajab 2 mois avant Ramadan ou Sha'ban 1 mois. S'il sort la zakat avant, il n'a pas sorti avant, il a fini son haul, il a fini son année, il doit la sortir normalement. Mais s'il la sort avant, les autorités vont lui demander, un mois après, fait Ramadan, ils vont lui dire la zakat. S'il dit je l'ai déjà sorti, Obama, ça lui fait des problèmes. Ils vont lui dire là, tu dois la donner aux autorités. C'est permis de repousser. Donc on a le droit de repousser si on est fait d'arura. Ou si le fait de ne pas repousser, ça provoque un mal. Ou si on est dans la capacité, là, chaque tout ça, c'est permis. Lakin, la base, c'est que l'amr, c'est l'il faut. Donc, la base, c'est qu'on n'a pas le droit de retarder la zakat, de sortir la zakat. Wallahu a'lam. Amma li'atimar. C'est le dernier point. Ou l'avant-dernier point. Amma li'atimar, ay la umra, fi rajab, faqad rawa ibn Umar, radiyallahu anhuma, anna nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, i'tamara fi rajab. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد والإمام ابن ماجة إلى آخره. لكن قال الحافظ رحمه الله فأنكرت ذلك عائشة عليه رضي الله عنها وهذا في الصحيحين إنكار عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وهو يسمع فسكت إلى entendu عائشة رضي الله عنها qui a rejeté هذا على montré أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas fait العمرة pendant Rajab et Abdullah ibn Umar il s'est tué رضي الله عنهم أجمعين واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه الصحيح في هذا c'est que penser que l'umra a un fadl fi rajab, il n'y a aucun délit. Là, l'umra, on a des adillah fi ramadan, bien sûr. Kadalik fi al-ashhur, al-hurum, ashhur al-hajj. Amma fi rajab, il n'y a aucun délit. C'est pour ça que Aisha radiallahu anha ankarat que le prophète sallam, annahu il a fait al-umra fi rajab. Et on n'a pas de délit annahu c'est bien de faire al-umra fi rajab. أقصد أن دليل صحيح. أما الفد فعل عمرة كم الحافظ إلى عبارتك certain compagnon يفعل العمرة في رجب فهذا نعم tu as le droit de faire la umra pendant rajab لكن c'est comme un autre mois العمرة c'est toute l'année c'est comme le jeûne لكن penser que c'est bien فلهذا بعضهم ils font beaucoup de umra pendant le mois de rajab ils pensent que c'est mieux que certains mois. العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله dans ses fatawa قال اما تخصيص بعض ايام رجب باي شيء من الاعمال الزياره وغيرها الزياره اي العمره فلا اصل له لما قرره الامام ابو شامه رحمه الله في كتاب البدع والحوادث et ça c'est une référence dans les innovations البدع والحوادث البدع والحوادث نعم الامام ابو شامه رحمه الله et كذلك البدع والنهي عنها الإمام ابن الوضاح رحمة الله عليه وكذلك الطرطوشي رحمه الله إلى كتاب في البدع ça c'est des livres c'est des références dans la mise en garde contre البدع وكذلك le célèbre livre de الإمام الشاطبي رحمه الله الاعتصام على كل حال تخصيص العمرة بشهر رجب أو تخصيص شهر رجب بالعمرة هذا ça fait pas partie de la sunna. فلهذا قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله ولهذا انكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثره الاعتمار فيه. Donc celui qui doit faire l'umra et alhamdulillah tayassara amruh dans le mois de Rajab, il fait la umra pendant le mois de Rajab et sans avoir cette intention ou penser que c'est mieux. Là, c'est un mois parmi les mois. اما رمضان لا شك il y a un fadl azim de faire l'umra. ثم قال في النهاية وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك ثم il a conclu أن يدي أحاديث أو des paroles qui montrent que beaucoup de choses elles se sont produites le mois de Rajab قال ولم يصح شيء من ذلك et il n'y a rien d'authentique في هذا الباب ça nous montre qu'on n'a aucun hadith authentique dans le mois de Rajab et qui spécifie une chose. Il n'y a rien, c'est un mois comme les autres, on n'a qu'une chose, c'est que il fait partie de Al-Ashhur Al-Hurum. Comme j'ai dit dans le hadith, « Walillahi alhamd » قال « Farouya anna nabi sallallahu alayhi wa sallam wulida fi awwali laylatin minh » Il a été rapporté que nabi sallallahu alayhi wa sallam il est né la première nuit du mois de Rajab. Et hada, la chèque que c'est daif. Bel akthar ulama al-siyar وعلماء التاريخ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. C'est pour ça que certains ils fêtent la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم au mois de ربيع الأول. Et تفقوا les savants ils sont unanimes أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né l'année de الفيل. أي quand ils ont attaqué la Kaaba avec le fil. قصة الفيل معروفة. سورة الفيل elle est connue. النبي صلى الله عليه وسلم يلني ست سنة. كذلك اتفقوا أنه يلني الأندي. كما جاء في الحديث الصحيح أنه يوم دمّد سؤال جن دل أندي لدي هذا يوم ولدت فيه. donc النبي صلى الله عليه وسلم يلني الأندي. et il est né l'année de الفيل. et le mois فكثير من العلماء بل la grande majorité des savants يقولون ربيع الأول. ثم le jour اختلفوا. فهذا donc ça nous montre que c'est pas Rajab. قال وأنه بعث في السابع والعشرين منه. أنه إلى غسل الغيبلاسيون لا 27 نوي دراجب يا أوكان دليل على هذا وقيل في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك. وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. نعم هذا كذلك يا أكن دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج إلا أكمل لا 27 نوي دو موا دو رجب، فلهذا يحتفلون بعضهم بهذه الليلة. C'est pour ça que certains, ils ont rendu cette nuit comme la nuit du destin, la 27e nuit de Rajab, en se basant sur des hadiths faibles, « Anna al-Isra wal-Mi'raj », c'était la 27e nuit. Et les ulama, ils ont rejeté ça. « Qala l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa naqala hadha al-kalam, tilmidhuhu wal-imam ibn al-Qayyim, fi zad al-ma'ad, wa la yu'raf an ahad min al-muslimin, annahu ja'ala laylat al-Isra fadila ala ghayriha, la siyama ala laylat al-qadr. » ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يدركونها، نعم ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. هذا سان كلام جميل. أن الصحابة رضي الله عنهم ils ont jamais spécifié la nuit de l'Isra wal Mi'raj avec une ibadah. Et il la citait pas cette nuit. أي أنه c'est telle nuit, tel mois, tel jour. لماذا؟ Parce qu'il n'y a pas une ibadah spécifique à la date. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé dans cette nuit. C'est pour ça qu'on a des textes authentiques qui nous montrent en détail Al-Isra ou Al-Mi'raj. Si la date, elle aurait été importante de la connaître comme le mois de Ramadan, comme les bienfaits de la nuit du destin, les 10 dernières nuits, Dhul-Hijjah, etc. On aurait des adillah. Ça nous montre qu'il n'y a aucune adoration spécifique à la nuit de l'Isra ou Al-Mi'raj. Et le voyage nocturne et l'ascension, ils traduisent hakada. Donc, le fait de dire que la nuit, cette nuit, elle était dans le mois de Rajab, hada, il n'y a aucun dalil. Naam. Thumma, il a conclu avec un hadith. An Anas radiallahu anhu, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala Rajab, qala, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sha'ban, wa balighna Ramadan. Ce hadith, pour faire le lien avec le prochain chapitre sur Sha'ban. Aïe, ils ont rapporté ce hadith à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce dua. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, mets-nous de la baraka dans le mois de Rajab. Et dans le mois de Sha'ban, wa balighna Ramadan. Et fais-nous atteindre Ramadan. Et laisse-nous en vie jusqu'au mois de Ramadan. Hada al-hadith qala al-hafid wa ruya an Abi Ismail al-Ansari annahu qala lam yassih fi fadli Rajab ghayru hada al-hadith. Naam, hada al-imam, il a prétendu anna c'est le seul hadith authentique concernant le mois de Rajab. وفي قوله نظر هكذا قال ابن رجب رحمه الله اي سي با صحيح هذا قال فان هذا الاسناد فيه ضعف سو حديث ضعيف دونك هذا سانو مونتر ان يا اوكا حديث اوثنتيك كونسيرنون لو موا دو رجب دونك اون ا با لو سبيسيفي افيك اون ادوراسيون افيك ان ذكر افيك اون صلاه افيك اون عباده كيلكونك سي ان موا كوم لي زوتر. Allah subhanahu wa ta'ala faddala hadha ash-shahr parce que il fait partie des mois sacrés. Wa illa fa on est obligé de suivre sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Ta'akharna qalilan fa 'afwan pour le retard. Et à partir de demain inshallah ta'ala on continue la lecture, on essaie de finir le mois de Sha'ban, thumma on reprend notre درس dans Riyad Salihin wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana. Naktafi bi hadha wa alhamdulillah rabbil alamin.